terre connaît que la chienté. Mélodie noire sur le synthé. Pour les beaux mecs jusqu'au ponté. Pour les poteaux de freine à la santé. Les vrais me soutiennent avec le cœur. Le terre-terre demande pas de selfie. J'ai qu'un seul cœur pour une seule vie. Poteau, j'ai qu'une seule mère pour une seule fille. Je connais l'honneur d'un vrai Marcus. Mes parents sont nés dans les montagnes. Salope, on a grandi dans la violence. On affronte une sauce sans la castagne. Beaucoup pas pour rien, on les laisse dire. Les vrais ne calculent pas la vermine. C'est souvent l'humeur qui détermine. Ça touche à la famille, on les termine. Ça prend des décisions sur un coup de tête. Ça agit souvent sans réfléchir. Beaucoup trop souvent pour des petites dettes. Au 762, ça se déchire. Ça tombe vite, ça baisse, toi ça change vite. Pour des filles de joie, pour des litrons. Avec des rouges, avec des gris. On fait des verres et des citrons. Ça n'étale que des chocs. Cagoulés dans le bloc. La jeunesse sort les glocks. Sur les terres, tous déterminés, ça à l'époque. Tu parles mal, ça te fuck. Les narines dans la coque. Et le terre-terre va te terminer. Ça n'étale que des chocs. Cagoulés dans le bloc. La jeunesse sort les glocks. Sur les terres, tous déterminés, ça à l'époque. Tu parles mal, ça te fuck. Les narines dans la coque. Et le terre-terre va te terminer. Des personnes vraies, y'en a très peu. De bâtard, y'a plusieurs espèces. Pas de chéquier ni de carte bleue. Le terre-terre préfère les espèces. Pour réussir, beaucoup pactisent. Qui veut confiance doit faire ses preuves. Beaucoup trop d'amitié factices. On voit qui sont les vrais dans les épreuves. Retour d'Espagne, voiture chargée. On évite les barrages au Pertus. Tous les chemins mènent au béton. Il faut croire qu'on aime bien le Tertus. J'en suis pas sûr, j'en suis certain. Je cherche le moment opportun. La bouteille vide me le verre plein. À fond de 5 dans le terre plein. Dans la vie tout se paye, rien n'est gratos. Pour peu ça risque la perpète. Pour toi tu mérites même pas une bastos. Alors pour toi ça sera la serpette. Ça ne vit que pour le papier. Après la monnaie ils courent tous. Ça agit, ça réfléchit après. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Ça détaille que des chocs. Cagoulés dans le bloc. La jeunesse sort les glocks. Sur les terre-terre tous déterminés. Ça à l'époque. Tu parles mal ça te fuck. Les narines dans la coque. Et le terre-terre va te terminer. Ça n'étale que des chocs. Cagoulés dans le bloc. La jeunesse sort les glocks. Sur les terre-terre tous déterminés. Ça à l'époque. Tu parles mal ça te fuck. Les narines dans la coque. Et le terre-terre